Bonjour. Bonjour. Vous êtes de toutes les actions, vous aussi, hein? Souvent, oui. Ouais. Quand je peux me reposer entre deux, je me repose, mais sinon... Ouais, c'est un agenda bien rempli en ce moment. Oui. Ah, je crois que tout le monde est un peu fatigué, mais bon, il faut résister, hein. Il y a une grosse voiture qui fait vrombir son moteur. Là, c'est opération filtrage qui commence. La voiture passe une par une. En fait, ça fait toi, ça reprend l'image d'Astérix, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, bah, en fait, tu vois, dans la loupe, t'as la section de CFT de Rouvray, tu vois. Et sans envoyer ça à son secrétaire tout là-haut. Histoire qu'elle comprenne que bah, si on doit être les seuls. Hein. Bon, en tout cas, ça a été relayé quand même, et puis tout le monde a vachement souligné le geste. Hein, carrément. Carrément. Et ça, c'est bien. Du fait que tu sois sur le blocage, que la CFDT soit sur le blocage hier, Ouais. Que tu continues à lutter, quoi. Bah, et en plus, tu vois, moi, c'est mes convictions à moi, mais aussi mes militants, et c'est ce qu'ils me demandent aussi, en fait. Ouais, c'est pas que moi. Un petit feu de palette qui a commencé sur ce boulevard industriel. On va y arriver. Bonne journée. C'est la voiture d'une médecin qui on laisse passer. En fait, à un moment, les capteurs, s'ils se mettent en double, c'est toi qui étais dans la voiture devant, non? C'est ça. Je suis pas réveillé. Non, non plus. D'où qu'est-ce? Toi, t'es gilet jaune? Non, je suis à la JC. Mais je fais les gilets jaunes aussi. D'accord. Les jeunesses communistes sont mobilisées sur les blocages et tout ça ici? Bah ici ouais. Ouais. Enfin il y en a qui sont plus. La plupart habitent plus au nord. Ouais, ok. Et vous avez participé à aux manifestations depuis le début et aux occupations de fac. Ouais. Puis avant gilets jaunes. Et... D'accord. Toi t'es jeune Je suis en L3. D'accord. Donc j'ai 21 ans. Je vais faire 21 ans. Ok. Facile de mobiliser Bon, ça dépend. Ça dépend. Toi, t'es à quelle fac? Je suis à Sciences Po Paris. D'accord. Je suis en vacances, du coup, je suis rentré à Rouen. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants de chaque année louper leur partiel à cause de Macron. Parce que s'il faut qu'il y ait une mobilisation importante à chaque loi antisociale qui passe. Ça leur dire qu'un jeu aussi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Elles études qui durent 15 ans à cause de, voilà. De la mobilisation. Il y en a qui le font, mais c'est pas ce que tout le monde souhaite. Quoi. Tu t'appelles comment? Ton prénom c'est quoi? Antoine. Tu es journaliste? Non, je suis pas journaliste, je fais de la radio dans les luttes, notamment. C'est le journalisme, c'est pas la carte de presse le journalisme. Ouais, je suis entendre les voix d'en bas, quoi, voilà. Merci. Avec un minimum. Bon, je m'avais plus tôt parce que du monde.